Ah, très bien, je remercie tout d'abord Pierre, Thomas et Nikos pour l'invitation. Lorsque Pierre m'a demandé, il y a bien longtemps déjà, un titre pour cette communication, j'ai proposé, sans trop y réfléchir, ce titre-là, « La propriété sociale contre l'État, point d'interrogation, forme et raison de la socialisation dans la tradition du socialisme associationniste ». C'est un titre assez long, d'autant plus qu'il est bourré de sous-entendus ou de clins d'œil. Évidemment, tout d'abord, un clin d'œil à Clastres et à sa société contre l'État. Et puis aussi, dans son sous-titre, un clin d'œil à Mauss, puisque vous vous rappelez peut-être le sous-titre de l'essai sur le don, c'est bien « Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques ». Donc, me voilà engagé à esquisser une réflexion clastromaussienne sur la propriété sociale. Le problème, c'est qu'à vrai dire, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est dans ce cadre-là que je voudrais avancer, puisque j'en ai donné le titre. J'ai donné le menu, donc il faut bien que j'essaye de le servir d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que ça pourrait signifier, pour fixer un petit peu les choses, une perspective clastrienne? Je pense qu'elle a à voir avec ce qu'on pourrait nommer la malencontre, pour reprendre les termes de la discussion qu'il a eue avec d'autres sur la Boétie, la malencontre qui a pu porter la propriété sociale à se livrer corps et âme à l'État. Comme si c'était en quelque sorte opéré une nouvelle fois ce charme du non-d'un, pour reprendre ici les termes de Lefort, commentant la Boétie, c'est-à-dire cette fascination pour le pouvoir en tant qu'il incarnerait l'unité fantasmatique du corps social, et cela, j'y insisterai, au détriment du pluralisme que l'impératif de socialisation, tel qu'il a pu être pensé, pouvait justement porter. Parce que l'hypothèse que je fais, hypothèse assez contestable, c'est que cet impératif de socialisation, on y reviendra, c'est un lieu commun à la fin du XIXe siècle, cet impératif de socialisation, je fais l'hypothèse qu'il a pour source principale une certaine tradition du socialisme, celle que j'ai pu appeler le socialisme associationniste, même si je considère en quelque sorte que ce socialisme associationniste, c'est le socialisme tout court, du moins le socialisme originel, celui qui se déploie à partir des années 30, des années 40, mais justement une tradition particulière, de ce point de vue-là, rétrospectivement, parce qu'elle avait pour ambition de dissoudre tant le marché que l'État dans l'association, dans l'autogouvernement de citoyens librement associés. Donc dans ce cadre-là, oui, cet impératif de socialisation, celle qui s'incarne dans le thème de la propriété sociale ou collective ou de la collectivisation, et là je ne ferai pas trop de différence entre ces termes pour l'instant, c'est que cet impératif a eu un destin assez paradoxal, voire peut-être funeste, puisque c'est au nom de la propriété sociale qu'a été légitimé l'État social et, autrement et ailleurs, le socialisme d'État, ou plutôt le communisme bureaucratique d'État. Moi, ce qui m'importe, c'est que cet impératif de socialisation, tel qu'il a été porté notamment par cette tradition, il ouvrait évidemment une alternative sensiblement différente. Moi, je la lis avant tout comme une radicalisation de l'idéal moderne d'autodétermination, comme la radicalisation de ce projet d'une société autonome. Donc le thème « la société contre l'État » a sens ici. Socialiser, c'est réapproprier par la société, tout aussi bien l'État que l'économie, on y reviendra, mais radicalisation de ce projet d'une société autonome propre à se réapproprier son pouvoir instituant contre ces deux formes hétéronomes que constituent en quelque sorte l'État et le marché. Perspective peut-être clastrienne, perspective sûrement maussienne, et encore, j'y reviendrai dans la conclusion, je pense qu'il faudra apporter quelques nuances. Lorsque j'ai préparé cette conférence, je l'ai fait en lisant la récente édition de son ouvrage inachevé consacré à la nation. Vous le savez, il a été rédigé au début des années 20. Certains morceaux avaient été publiés. Là, on a un manuscrit qui n'est pas entier, qui n'est pas complet, mais qui donne une meilleure idée. Et ce qui est passionnant à étudier, c'est qu'ici, l'impératif de socialisation va y être défini sous celui de nationalisation, mais justement pour opposer nationalisation, socialisation à étatisation. Et le texte est frappant de ce point de vue-là, puisqu'il montre en quoi la nationalisation, c'est, sur les termes de Mauss, ce mouvement par lequel une société donne corps, donne effectivité à son sens du social. Le sous-titre du livre, c'est « La nation ou le sens du social », c'est-à-dire à son pouvoir intrinsèque sur elle-même. On a bien ce processus d'appropriation de l'État par la nation. Donc la nation se construit contre l'État, chez Mauss. Et en même temps de nationalisation de l'économie, c'est-à-dire d'auto-organisation des forces productives qui va s'opérer dans les diverses associations qu'elles forment. Bref, dans la nationalisation, il y a cette idée d'un approfondissement de la capacité des hommes à se gouverner eux-mêmes, et cela jusque dans le domaine économique. C'est donc dans cet esprit, esprit, selon mon hypothèse, du socialisme associationniste, que je voudrais essayer de penser quelque chose comme la propriété sociale contre l'État. Et ce qui est peut-être important de souligner ici, c'est que ce socialisme-là, c'est justement celui auquel Mauss lui-même, dans ce texte consacré à la nation, s'identifie. Il distingue trois mouvements dans l'histoire du socialisme, l'âge des pionniers, des utopies, de Saint-Simon, de Wen, de Fourier, etc. Deuxième âge, l'âge critique ou l'âge pamphlétaire, qui est incarné par Proudhon et puis par Marx. Et ensuite s'ouvre un troisième moment auquel il s'identifie, au lendemain de la Commune, un socialisme qu'il nomme constructeur et positif, et il serait incarné, lui, je le cite, par Brousse, Alleman et Eugène Fournière, à la suite de Benoît Malon. Donc ce que je vais vous proposer, dans le temps qui m'est imparti, si on me laisse ma demi-heure, je vous proposerai ici de relire ces deux dernières figures totalement oubliées du socialisme, sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler, de republier des textes. Bref, de relire, en partie à la lumière de Mauss, en partie à la lumière de Clast, la théorie de la socialisation de Malon et celle de Fournière. Et puis, dernier mot, dans cette trop longue introduction, le titre de ma communication s'achève par un point d'interrogation. Cette interrogation, c'est celle justement sur cette alternative associationniste. Ce point d'interrogation, c'est aussi une invitation à comprendre pourquoi elle a été jusqu'ici profondément défaite. Elle a échoué, en quelque sorte. Peut-être en tirer quelques leçons et peut-être nous conduire à questionner cet idéal d'autodétermination radicale qu'elle a pu incarner. Alors, suivons tout d'abord la première figure étendard de cette troisième vague du socialisme français, selon Mauss, Benoît Malon, 1841-1893. Si on s'intéresse à quelques-uns de ses textes, notamment les textes où il essaye d'esquisser une généalogie des termes de propriété sociale, de propriété collective, de collectivisme, ce que propose de montrer Malon, c'est que, bien sûr, la critique de la propriété, elle est bien ancienne, elle débute depuis Platon, Thomas More, les égalitaires du XVIIIe siècle, Morelli, Godwin, Babeuf. Mais pour lui, la principale rupture, elle s'opère dans les années 30, à la naissance même du socialisme, en quelque sorte, pour lui. Pour Malon, le collectivisme aurait été conçu par trois grands précurseurs. Le premier est peu connu, Collins, qui est un franco-belge baron de son état, officier, je crois qu'il a participé à la bataille de Waterloo, etc. Enfin, une histoire absolument incroyable. Collins, François Vidal, que vous connaissez peut-être un peu mieux, et Constantin Pécœur, tous les deux fouriéro-saint-simoniens, qui vont jouer un rôle important au sein de la Commission du Luxembourg. Collins, 1783-1859, il publie en 1835, rappelle Malon, un ouvrage qui a pour titre « Du pacte social », où il s'affirme partisan de la propriété collective foncière. Donc un collectivisme qui est partiel, ce que les marxistes lui reprocheront immédiatement. Mais collectivisme partiel justifié notamment par sa hantise d'un État despotique. La même année, Vidal, 1812-1872, dans un ouvrage consacré aux caisses d'épargne, souvent il faut toujours se méfier des titres, derrière il y a des choses beaucoup plus intéressantes, il va inscrire le garantisme de son maître Fourier dans une perspective résolument collectiviste. Et surtout Pécœur, que vous connaissez peut-être davantage, 1801-1887, va suggérer en 1838, dans un autre ouvrage dont le titre est si long que je vous l'épargne, le néologisme socialisé et socialisation. Alors, l'un des traits sur lesquels Benoît Malon met l'accent, donc dans des ouvrages de Malon des années 1880-1890, ce sur quoi il met l'accent, justement, c'est que pour ces pionniers du collectivisme, la socialisation n'est pas une étatisation. Bien au contraire. Pour Collins, le domaine que s'approprie l'État, sol, gros capitaux, qui s'approprie par voie de rachat, avec un fort impôt sur l'héritage, etc., etc., ne doit pas être géré directement par lui, mais exploité par des familles, par des associations, qui vont être assujetties à une redevance sociale, nous dit-il, à un cahier des charges. De même, le syncrétisme fouriéro-saint-simonien de Pécœur et de Vidal, il considère ou il définit la socialisation justement comme ce processus qui doit s'opérer avant tout, on peut penser à ce qui s'est joué avec la Commission du Luxembourg, on peut penser à Louis Blanc en partie, elle doit s'opérer au profit d'associations de production, au profit d'associations de consommation. Alors bien sûr, la figure de l'État n'est pas absente, on aura l'occasion d'y revenir, mais pour tous ces auteurs, et là on peut citer Mauss, ce n'est pas le corps des hommes politiques, des fonctionnaires dits d'autorité qui doit s'emparer des choses. Ce sont les vrais intéressés à la gestion, principalement les travailleurs. Ce sont eux, nous dit Mauss, qui doivent devenir les vrais propriétaires. C'est dans cet esprit, dans le long développement systématique, militant aussi, un peu performatif, que Benoît Malon, dans son socialisme intégral, qui est sa grande œuvre, prend soin de distinguer collectivisme d'un côté, ou socialisme, et communisme. Dichotomie qu'on retrouve chez Durkheim, qu'on retrouve également chez Mauss. Le communisme, c'est quoi ? C'est, je le cite, la mise en commun des forces productives et des produits sous la gestion directe de l'État. Le collectivisme, qui se distingue du communisme, nous dit-il, c'est simplement l'inaliénabilité des forces productives mise sous la tutelle de l'État. D'un côté, on a gestion directe, de l'autre, on a tutelle. Bref, le collectivisme, n'entraîne pas l'entreprise directe de l'État, je le cite encore, mais le simple octroi par l'État ou les communes, importance de la commune pour ce vieux communard, de baux aux associations. Donc, les forces de production doivent être placées, certes, sous la protection de l'État, Mauss dira sous la protection de la nation, mais elles restent sous la direction des producteurs associés, principalement, pour Malon, des groupes professionnels. En ce sens-là, le collectivisme de Malon ne signifie pas une extension du champ d'intervention de l'État, mais on pourrait dire bien davantage une extension du domaine public arraché aux intérêts privés en quelque sorte, mais restitué à la société à travers cette pluralité d'associations. Donc on a là, c'est ce point que je voudrais évoquer, un argument qui est avant tout un argument pluraliste, que Mauss reprendra, qui est central dans le texte de Mauss que j'ai cité tout à l'heure, à travers cette opposition qu'il opère formellement, explicitement, entre socialisme d'État d'un côté et ce qu'il appelle le socialisme des nationalisations. Le socialisme des nationalisations, ce n'est pas le socialisme d'État. Et cet argument pluraliste, Mauss l'expose de la façon suivante, en précisant que, je le cite, « dans la mesure où toute nation est composée d'un nombre variable de sous-groupes d'importance variable », la nationalisation doit être comprise comme, je le cite, l'instauration de la propriété industrielle et commerciale sous le contrôle de la nation par l'instauration d'une forme de propriété collective appropriée aux diverses collectivités dont se compose la nation. C'est donc parce que la nation est plurielle, en quelque sorte, qu'elle suppose des formes plurielles de collectivisation, qu'elle suppose des formes plurielles de propriété collective qui, par ailleurs, n'interdisent pas la reconnaissance de la propriété privée. Par ailleurs, autre point sur Malon et j'en termine, Malon ne cesse de souligner, un peu comme Durkheim, que le socialisme n'est pas une simple affaire de ventre. Ce qui est assez intéressant chez Malon, c'est que sa critique du capitalisme, ce n'est pas simplement une critique de l'exploitation ouvrière, ce n'est pas simplement une dénonciation de la misère, c'est aussi une critique politico-morale en quelque sorte. Malon ne cesse de montrer que le capitalisme corrompt l'esprit public. Il cite Montesquieu, etc., etc. Il corrompt un certain nombre de vertus morales. Il menace la survie de la République. Et donc l'enjeu, l'un des enjeux du socialisme, c'est de favoriser l'engagement civique, l'altruisme civique, contre le retrait dans la sphère privée, contre l'exclusive préoccupation pour son intérêt personnel. Et comment opérer justement cela ? Une seule solution, l'association, pourrait-on dire. C'est-à-dire à travers l'association des travailleurs. Il n'y a absolument rien à attendre, d'un point de vue déjà moral, des classes propriétaires et de l'égoïsme des classes propriétaires. Seuls les producteurs associés pourront redonner sens et vigueur à l'esprit public, pourront sauver et consolider la République. Et dans un autre texte important, dans le socialisme réformiste, en 1886, Malon, d'ailleurs, identifie la collectivisation, je le cite, à la républicanisation du travail et de l'échange. Il s'agit donc, pour faire république ou pour faire nation, dirait Mauss, de partir de la société civile, de partir de ces foyers de socialisation qui préexistent, de ces forces morales, très importantes chez Malon, qui préexistent. Et donc, cette politique de l'association, c'est bien une politique républicaine, mais c'est une politique républicaine dans laquelle la res publica, elle s'ouvre à des figures plurielles, elle se diffracte au sein de la société, au sein de la société civile, pour se définir comme une cité de travailleurs librement associés. Passons maintenant, et rapidement, je m'excuse de faire ça un petit peu au pas de course, à notre deuxième larron, Eugène Fournier, 1857, 1914. Ce n'est pas la même génération que Malon. Il a été en quelque sorte le disciple de son maître Malon. Il est au sein du mouvement socialiste à ce moment-là, à la fin du 19e siècle, puis jusqu'en 14. Il meurt en 14, comme Jaurès d'ailleurs. Il est opposé aux guédistes. Il est radicalement réformiste, placé plutôt à la droite du Parti socialiste, même s'il a d'abord été un militant guédiste. Il est opposé à la primauté exclusive du parti. Et il est partisan, notamment avec Mauss. Il est proche de Mauss. Ils travaillent ensemble à l'Humanité, notamment, et plus généralement dans le mouvement socialiste sur les coopératives. Il est partisan avec Mauss, avec d'autres durkheimiens, comme Hertz, comme Oldax, du fameux socialisme des trois piliers, parti, syndicat, coopérative, qui est si cher à Jaurès. Il est jaurésien. Il a publié un certain nombre d'ouvrages, mais je vais en retenir deux ou trois. Dans l'un de ses ouvrages les plus novateurs, qui s'appelle « La sociocratie », qu'il publie en 1910, il propose un plaidoyer pour un nouveau régime politique. Ce nouveau régime politique, la sociocratie, il le définit comme l'autogouvernement de la société par les associations. Au sens où, pour lui, il s'agit de la seule forme sociopolitique propre à réaliser à la fois le socialisme et la démocratie, et comment ? Par l'association. Premier point que j'évoque brièvement, ce plaidoyer pour ce nouveau régime, il se veut sociologique. Et d'ailleurs, fournir ce pic de sociologie. Et on pourrait dire que, pour lui, le socialisme, d'une façon générale, c'est pas tant une doctrine, comme Mauss le dit, comme Durkheim le dit d'une certaine façon, c'est pas tant une doctrine que ce mouvement historique réel des sociétés modernes. Dans un ouvrage antérieur qui s'appelle « L'idéalisme social » en 1898, il décrit ce mouvement avant tout comme un mouvement vers la socialisation. Socialisation de la propriété, bien sûr. Socialisation aussi de la cité, c'est la démocratie. Socialisation de la famille, c'est l'éducation, le statut des femmes, etc. etc. Un mouvement qu'il traduit par ce terme qui est important dans ma démonstration, un mouvement en direction de ce qu'il nomme dans ce texte l'autodéterminisme le plus complet. Le point de fuite, en quelque sorte, de l'histoire, et celui qui accomplira le socialisme devenu démocratique, c'est cet autodéterminisme le plus complet. Bref, le socialisme pour Fourniere, c'est avant tout ce processus par lequel les sociétés humaines prennent conscience et possession d'elles-mêmes. Ce qui m'a frappé en le relisant, c'est la récurrence de cette idée de propriété. Il faut que la société prenne possession d'elle-même, il faut que les individus prennent possession d'elles-mêmes. Vraiment, cette allergie à toute forme d'hétéronomie, qu'elle se réalise, qu'elle s'institue dans leur autonomie, dans leur historicité. Et ce processus d'auto-institution, c'est-à-dire ce processus de socialisation, rendre à la société, c'est ça la socialisation avant tout, il s'opère pratiquement, concrètement, selon Fourniere, par l'association. Donc, pas besoin de faire des plans, d'élaborer des utopies, etc., comme Fourier a pu le faire. C'est la société qui tente à devenir, par ce processus historique de socialisation, un gigantesque phalanstère, où Dugui dira une grande coopérative enfin réalisée. Donc, ce nouveau régime, il ne s'agit pas de le rêver, il est là. La sociocratie, elle se révèle, en acte par ce fait contemporain, c'est-à-dire la pénétration croissante du domaine public et économique par les individus librement associés. Il écrit « Les individus sociaux de notre temps procèdent à l'inverse des grands constructeurs d'utopie, sans théorie ou cadre général tracé d'avance. Chacun s'affilie à autant de groupes qu'il existe de catégories dans son activité de relation. » C'est une belle sociologie. Donc catégories morales, politiques, culturelles, économiques, religieuses, etc., peu importe. Bref, qu'il s'agisse des coopératives, des syndicats, des mutuelles, des associations politiques, culturelles, morales, religieuses, toutes ces initiatives, pour lui, traduisent sous une forme pluraliste ce pouvoir croissant de la société sur elle-même, cette capacité de la société à accéder, selon ses propres termes, à la propriété d'elle-même. C'est dans ce cadre-là qu'il faut, je crois, penser la question de la socialisation. En tous les cas, c'est en ces termes-là que Fourniere redéfinit l'impératif de socialisation. Il évoque Louis Blanc. La socialisation, ce n'est pas l'État propriétaire. La socialisation, c'est la société propriétaire. Il faut que la nation se possède, dit-il. Et pour cela, il s'agit de tisser de nouveaux liens de coopération, de nouvelles formes d'autogouvernement, dont l'association constitue la forme, la matrice générale. Et on voit bien le sens. tous propriétaires signifie avant tout pour lui tous associés et par là tous citoyens. Et donc, la socialisation économique est un aspect d'un processus de socialisation beaucoup plus général. La socialisation économique, elle peut prendre des formes très diverses. Coopérative de consommation, il milite à leur bénéfice avec Mauss, autant, je le cite, au patron, sa fonction de marchand. Mise en œuvre de contrats collectifs entre employeurs et syndicats ouvriers. Association ouvrière de production, autant cette fois au patron, sa fonction de chef de travail. Mutualité, cette forme primitive d'entraide qui contribue, dit-il, si fortement à socialiser les risques au lieu de laisser les individus écrasés sous ses conséquences. Ce processus de socialisation, tel qu'il est initié par ces différentes formes associatives, on l'a vu, coopératives, mutuelles, syndicats, groupes professionnels, etc., s'identifie très très clairement à ce que Mauss nomme dans le texte dont j'ai parlé le mouvement économique d'en bas. Il en donne ces trois formes, syndicats, mutuelles, coopératives. Et ce mouvement économique d'en bas, c'est celui qui ouvre pour Fournière un horizon radical d'autodétermination. Et cette radicalité, on peut l'évoquer au regard des termes qu'emploie Fournière, sans passer par d'autres détails plus techniques et juridiques passionnants, car Fournière ne se paye pas de mots. Ces socialisations économiques, pour Fournière, appellent les individus, selon ces termes, à la conquête du capital. Mais pourquoi faut-il conquérir le capital ? Pas simplement pour devenir, c'est une autre formule de Fournière, les maîtres du marché, en être les maîtres plutôt que d'en être les esclaves. Non, il s'agit de conquérir le capital, je le cite, pour être eux-mêmes le marché, être le marché. Cette conquête du capital est indissociable pour Fournière de la conquête de l'État. Même terme, parallélisme absolu. Ça veut dire quoi la conquête de l'État ? Ça veut dire sa démocratisation. Elle passe par quoi ? Par la représentation des associations au sein du pouvoir législatif, une deuxième chambre associative, etc., avec toute une modalité de vote assez intéressante. La reconnaissance également, qui est un fort enjeu à cette époque-là, du syndicalisme dans la fonction publique, mais aussi la prise en charge directe de tout un ensemble de fonctions publiques, justice, police, culture, éducation, santé, protection sociale, par des associations. Il s'agit donc par là, c'est encore sa formule, qu'à travers cette conquête de l'État, chacun devienne l'État. Chacun devienne une portion de l'État. Il écrit ainsi, « La conquête de l'État, pour la masse des citoyens, n'est autre que la conquête d'eux-mêmes par eux-mêmes. » Si on veut de l'idéal d'autonomie, on en a ici. « La démocratie ne doit pas combattre l'État, mais devenir l'État, elle-même, tout entière, absolument, dans la personne du plus humble des citoyens qui la composent. L'État sera alors, voilà ce qui reste de l'État, l'État sera alors le moyen de relation entre les membres de la société devenus libres et égaux. Bref, il le dit explicitement, le socialisme ne saurait donc se résoudre à un quelconque mysticisme de l'État. Qu'est-ce que c'est que l'État ? C'est un factotum, nous dit-il, au service des individus, et rien d'autre que cela. Il n'est qu'un moyen parmi d'autres, je vais y revenir, d'émancipation individuelle. Et donc, partout où les individus peuvent se passer de lui, le socialisme ne saurait prétendre leur imposer la tutelle ou l'aide publique que fournit l'État. C'est lorsque l'action individuelle, les coopérations sont insuffisantes, qu'il peut justement en bénéficier de sa garantie. Mais dans ce cas, lorsque l'État prend en charge un certain nombre d'activités, je le cite encore, « Chaque citoyen doit s'appliquer à être le plus complètement possible dans l'État, la région, la commune, soit comme administrateur éventuel, nous dit-il, des utilités publiques nationales. » Et il a une image du fonctionnaire volontaire, il faudrait la développer, mais elle est assez passionnante. C'est-à-dire, pour que le socialisme se réalise par la démocratie, chacun d'entre nous, en se vouant au bien commun, doit devenir un fonctionnaire volontaire. L'engagement associatif est compris dans ces catégories-là, qui sont totalement surannées pour nous, idéales, soyons tous des fonctionnaires volontaires. Bon. Un côté, ici, cette idée de l'administrateur éventuel, ou sinon le contrôleur permanent de la chose publique. Un autre aspect, je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être 10 minutes Plus 5 que 10. Plus 5 que 10. Bon, très... 7,5. Bon, 7,5, c'est vendu. Je voudrais développer rapidement un autre aspect de la conception de la socialisation de Fournière. C'est le lien presque synthétique qu'il établit par les vertus de l'association entre socialisation d'un côté et individualisation de l'autre. Et là, j'évoquerai un texte de 1905 qui a pour titre « Essai sur l'individualisme », qui est un texte assez passionnant, qui est plutôt passé inaperçu. Mais je vous en dis quelques mots. J'en dis quelques mots en référence à Mauss aussi. Dans le manuscrit de consacré à la nation, Mauss annonce un chapitre qu'il devait consacrer à l'individualisme, justement. Et le titre de ce chapitre devait être le suivant. Il n'a pas été rédigé ou il n'a pas été retrouvé. « La lutte contre l'État ou de l'individualisme ». Et là, il s'agissait, en tous les cas, il l'annonçait, hein, de montrer en quoi la nation s'était historiquement construite contre l'État, construite dans la lutte de la masse des citoyens qui s'émancipent des anciennes tyrannies, en disant que c'est quoi la nation ? C'est la société civile, c'est avant tout ce groupe de citoyens libres et égaux, hein, dont la personnalité, au sens de Durkheim, fait l'objet désormais d'un respect religieux. Donc ce lien, évidemment, intrinsèque entre socialisme, individualisme et démocratie. On peut lire en partie, mais je n'ai pas le temps de le faire, cet autre ouvrage majeur de Fournière, donc son essai sur l'individualisme, un peu comme le chapitre manquant de la nation de Mauss. Si on voulait résumer les choses très très vite, on pourrait dire que dans la réflexion sociologique de très intéressante, très influencée par Proudhon, de Fournière dans ce texte-là, il essaie de montrer que l'individualisation est en raison directe de la coopération et de l'échange. C'est-à-dire que le moyen de libération, d'extension de l'individu, c'est la coopération volontaire, librement organisée, fondée sur l'égalité, fondée sur la réciprocité. Il y a cette formule, moi, qui m'avait frappé, parce qu'elle fait... On aurait pu la lire sous la plume de Mauss. Fournier écrit « Celui qui peut donner le plus est le plus individuel, et le plus individuel est le plus libre. » Donc, la liberté, l'individualité, elle repose sur, ou elle suppose, une socialité croissante, une densification des rapports de coopération, donc une démultiplication des formes et des espaces d'engagement collectif. C'est dans ce cadre-là également qu'il faut penser la propriété sociale. La propriété sociale, pour Fournière, et il achève le livre pour un plaidoyer sur la propriété sociale. La propriété sociale, c'est le moyen, c'est le milieu où des nouvelles formes de coopération, volontaires et non plus imposées, sont appelés à se déployer. La propriété collective, elle joue pour lui un double rôle conjoint d'individualisation d'un côté et de socialisation de l'autre, au sens large du terme. Elle est d'abord, et on va retrouver les éléments qu'on discutera ici, j'imagine, à partir de Jaurès, cette propriété collective, c'est la propriété des sans-propriétés. Donc elle a pour fin de donner à l'individu le moyen de faire vivre cette liberté que les libéraux leur donnent partout, sauf dans le champ de la propriété. C'est pour cela d'ailleurs que Fournière n'hésitera pas à qualifier son socialisme d'un libéralisme d'extrême gauche. Il faut pousser jusqu'au bout, en quelque sorte, cet impératif d'émancipation individuelle. Je ne développe pas ça davantage. Mais cette force individualisante, elle repose sur sa force socialisante. C'est-à-dire qu'elle ne produit de l'individualité que parce qu'elle institue de la solidarité, c'est-à-dire une certaine qualité des rapports sociaux. Or, cette qualité, dans l'état présent, elle n'est pas présente. Dans l'état présent, nous dit-il, les uns coopèrent de leur plein gré et à grand profit pour eux, tandis que les autres sont contraints de coopérer sous peine de ne pas manger et de se contenter du profit que les premiers leur laissent. C'est en ce sens-là qu'il va dénoncer le salariat. C'est une forme de coopération obligatoire. C'est une forme de coopération imposée qui n'est ni égalitaire ni réciprocitaire. C'est le règne de l'arbitraire, c'est une fiction juridique, c'est un décret verbal, etc., etc. Or, la propriété sociale, par la propriété sociale, ce sont justement de tout autre lien de coopération et de solidarité qui peuvent se nouer entre les hommes. Bref, la propriété sociale, elle rend possible ce que le salariat, justement, interdit, c'est-à-dire une liberté réelle, positive, pas la liberté du libéralisme classique, on pourrait dire, une liberté réelle, positive, qui repose sur ce pouvoir de coopérer volontairement, c'est-à-dire de fonder sa coopération sur des rapports d'égalité. C'est donc par l'égalité, la réciprocité, qu'elle assure la possibilité même de la liberté. Quelques mots de conclusion très très rapides. Moi, ce qui me frappe dans cette tradition socialiste-là, dans laquelle j'ai embarqué trois auteurs, Malon, Fournier et Mauss, c'est son caractère hybride et paradoxal sous certains aspects. Hybride, elle est individualiste et collectiviste. Profonde sensibilité libertaire, c'est le rêve d'une société ou d'un monde sans maître. on y décèle également une foi républicaine assez peu commune dans les vertus de l'autogouvernement qu'il s'agit de généraliser partout. Donc il faut bien ici instaurer une nouvelle communauté de biens, en quelque sorte. Mais ce n'est pas, comme le dit Fournière, la pâtée servie à tous par la mère collectivité. Cette nouvelle communauté de biens qu'il s'agit de mettre en œuvre, elle consiste à restituer à la société ce qu'on lui avait dérobé, en quelque sorte, ce que l'État comme le capital leur avait dérobé. La restituer à la société, c'est-à-dire la restituer aux individus associés. Et pourquoi j'évoque un idéal hybride ou paradoxal, c'est qu'on pourrait considérer que cet idéal socialiste, et je vais le faire en me référant ici à Marcel Gauchet, c'est un idéal socialiste qui est propre à l'âge du libéralisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout dépend comment on définit bien sûr le libéralisme, mais si on suit la piste Gaucher, pourquoi pas? Je n'ai pas de conviction totalement arrêtée là-dessus, mais il y a des éléments intéressants. Cet âge du libéralisme, du moins tel que Gaucher le présente, triomphant dans les années 1880 au moment de sa redéfinition républicaine, puis après entrant en crise, comme vous le savez, pour Gaucher, c'est l'âge d'or de l'autonomie. Une foi radicale dans l'autonomie de l'individu, autonomie du social historique. Et de ce point de vue-là, si on rentre dans cette perspective-là, on voit bien que l'association, c'est plus que l'association. L'association, c'est ce dans quoi se résorbe cet impératif d'autonomie. C'est cette idée selon laquelle la société, en quelque sorte, eh bien, n'a plus besoin du pouvoir politique pour se former. Comme si la société, elle pouvait s'unifier, se lier, s'organiser, voire se gouverner de son propre mouvement, en quelque sorte. Donc, ce socialisme, il est indissociable en ce sens de ce sacre de la société civile qui est au cœur de l'âge du libéralisme, qui est propre à l'âge libéral. On voit bien qu'il participe d'une redéfinition de l'autogouvernement des communautés humaines qui manifeste combien l'hétéronomie n'a plus de sens. Et là, elle se marque par la neutralisation de l'État, en quelque sorte. Donc il y a bien une radicalisation, ou peut-être, du renversement libéral. Et en ce sens-là, on comprend mieux, en quelque sorte, en quoi Fournière peut identifier son socialisme à un libéralisme d'extrême-gauche. Mais pour cette raison-là, on peut se demander s'il n'en partage pas tout un ensemble d'illusions. La prophétie de Fournière, elle ne s'est pas réalisée. La société, je vous l'ai dit, elle n'est pas devenue un gigantesque phalanstère. Ce n'est pas la forme associative qui s'est généralisée. Mais c'est ce qu'elle prétendait absorber ou contenir, l'État et le marché. C'est le sens du point d'interrogation à la fin de mon titre, et donc à la fin de ma communication que j'achève là. Interrogation sur les illusions peut-être portées par cette tradition-là. Cette illusion que la pure socialité, le libre lien consenti entre les individus, pourrait abolir toute forme d'autorité, pourrait réaliser la justice, rendre inutiles les gouvernements, rendre inutile la contrainte publique. Et puis interrogation, bien sûr, sur l'échec historique de cette tradition. À ces interrogations, je n'ai pas de réponse claire, mais deux remarques totalement conclusives, vraiment une minute et demie. D'abord, il me semble que ce basculement radical dans le registre de l'autonomie, cette aspiration à l'autodéterminisme le plus complet, il renvoie chez ses auteurs à une foi dans le collectif qui est totalement étrangère à la tradition libérale classique, et ne parlons pas du libéralisme contemporain. Il n'y a pas de reflux, en quelque sorte, des attentes logées dans le collectif. Si on vise l'autonomie, l'autonomie ne peut justement être atteinte, ou ce qui ouvre la porte de l'autonomie, c'est le collectif, en quelque sorte. Et ce collectif peut être figuré de différentes façons, symbolisé de différentes façons. Le principe d'association avec un grand A, l'idée d'humanité chez Leroux, la République, la solidarité chez Jaurès, ou autrement peut-être la notion même de classe sociale, en quelque sorte. Donc le collectif, ce n'est pas simplement le résultat du tissage des libertés individuelles. Il y a autre chose, en quelque sorte, qui est propre à cette tradition-là, je ne le développe pas davantage. Et puis, juste un tout dernier point, s'il y a eu des éléments holistes importants qui assuraient un certain équilibre, en quelque sorte, entre dans cette structure hybride qui mêlait des éléments holistes et des éléments individualistes, ces éléments holistes se sont révélés fragiles. Ils ont été rapidement débordés, soit par la force dissociative des intérêts individuels, soit exacerbés sous des formes totalitaires. De ce point de vue-là, on pourrait dire que la constitution de l'État social a pu constituer un compromis tout à fait acceptable. Mais dernier point, en relisant Mauss, là vraiment j'en dis pas plus que ça, moi ce qui m'a frappé c'est pourquoi Mauss en 1920, après tous ces gens-là, après la guerre, après la révolution bolchévique, après avoir défini un socialisme avant cette période-là, le socialisme de mots, c'était un socialisme très spontex, quoi. C'était à partir des coopératives, le communisme complet va se réaliser, etc. Il était absolument internationaliste. Là, il revient sur le thème de la nation. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire, l'accent qu'ils mettent alors sur la nation, et à partir d'elle, sur l'internation, hein. Mais on pourrait peut-être le comprendre comme une volonté de renforcer en quelque sorte ce pololiste qui a été fragilisé, d'incarner ce nous, de donner corps à un collectif, même s'il est labile, même s'il est ouvert à l'historicité, etc., etc. Et je crois que c'est important dans les débats, et là vraiment j'en termine, on peut sortir du cadre de la nation, mais ça permet d'interroger qu'est-ce que c'est que l'auto-institution du social. Bah, c'est pas un grand bond en avant, c'est ça que nous dit Mosso du compte, c'est pas un grand saut dans le vide, hein, qu'elle suppose aussi une part d'institut, une part d'hétéronomie, parce qu'une nation c'est aussi une civilisation, une culture, etc., etc. Et donc elle pourrait pas, en tous les cas selon Mosso, tabler sur la pure performativité de l'agir en commun. C'est parfois ce que je lis dans le commun de Dardot et Laval, même s'ils s'en protègent en mettant l'accent sur l'institutionnalisation, etc. Il y a quand même cette idée de dissoudre d'une façon ou d'une autre progressivement l'état de marché dans des formes associatives, etc. etc. Je crois que Mauss, sociologue, voilà, essaye de donner une sorte de point d'arrêt à une sorte d'immanentisme qui serait par trop désincarné. Je m'excuse, j'ai été trop long. Merci beaucoup.